Comment travaillez-vous, Eliane Radigue? Eh bien, lorsque j'aborde un nouveau travail, il est présent depuis très longtemps. Enfin, je veux dire que la préparation se fait pendant un temps extrêmement long avant d'aborder la phase de réalisation. Il m'arrive de prendre quelques notes écrites, mais ce n'est même pas nécessaire. Puis, ensuite, j'aborde une phase de travail technique gratuit. Je veux dire, un peu comme on fait des gammes, je révise toutes les possibilités de l'instrument que j'utilise pour répertorier mon vocabulaire et choisir les mots qui peuvent le mieux servir à mon propos pour ce que j'ai envie de dire dans le travail précis qui est en cours de gestation. Puis, il y a ensuite une autre phase de réalisation préparatoire, à savoir mettre en forme certains éléments de ce vocabulaire. La mise en place vient longtemps après, car avant cette seconde phase et la toute dernière, je laisse en général les choses reposer en l'état pendant un temps plus ou moins long, ce qui me permet de revenir au travail en préparation avec une oreille rafraîchie, une oreille neuve, parce qu'on se laisse très très facilement dominé par ces sons, obsédé par eux. Et ils peuvent quelquefois essayer de capter l'attention et l'intérêt dans une direction qui n'est pas forcément celle que l'on voudrait leur donner. Donc j'ai aussi besoin de cette période de recul. Puis vient la mise en place finale, et ça, la mise en place finale, alors c'est la période la plus ardue, la plus difficile, la plus embêtante. La plus embêtante. Dites-moi, à vous écouter ainsi parler et montrer la manière que vous avez de créer, d'être fidèle aussi au concept de création qui vous anime, on sent que tout a été rigoureusement préparé, j'allais presque dire classé, que vous êtes auparavant établi une certaine marge d'interdiction et que vous ne faillirez pas en cours de route. Mais néanmoins, s'il vous arrive durant l'élaboration, d'être surprise par les sons que votre instrument particulier va vous offrir, quelle sera votre attitude alors? S'ils peuvent habiter mon propos, je les garde, bien sûr, c'est la découverte en cours de route, ce qui est extrêmement rare, car très souvent, comme je sais très exactement où je veux aller, où j'ai envie d'aller, il peut m'arriver de faire des découvertes intéressantes, mais qui ne peuvent pas s'intégrer dans le propos du moment. Donc, je mets ça de côté, j'essaie de me rappeler. Puis, la plupart du temps, j'oublie. Enfin, j'essaie de me rappeler que ce sont des éléments qui peuvent servir pour autre chose. Mais la plupart du temps, je les oublie, je les laisse de côté.